Les palmarès C'est fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici les palmarès C'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. Kiwan m'avait dit qu'il serait là pour l'intro, mais il l'est pas, donc je vais me permettre de rire de lui en onde. Et pour le reste de l'émission, c'est toi qui va arriver. Ça va être un petit devoir que je vais faire. Kiwan, je ris de toi. Cette semaine, dans les Palmarès, c'est fou, on a pas mal de nouvelles entrées. 4, c'est pas super, je suis dans la moyenne. On va entendre, entre autres, une nouvelle pièce de Winter Gloves, que j'adore. Il va y avoir White Cowbell Oklahoma. Il y a Archigéant aussi, mais on va commencer par une nouvelle entrée en 15e position francophone. Voici numéro et tout est parfait. Et plus tard dans l'émission aussi, il y a une nouvelle capsule de vie, dont la question cette semaine. On se demande qu'est-ce qui se passerait si les gens à l'intérieur d'un sketch se rendaient compte qui sont dans un sketch, puis qu'il y avait du montage en arrière de ça. C'est bien drôle. C'est tantôt, dans 1h15. Pas de tâche dans la vie, un essaim sur la peau. 100% à la vie, mais non, moi jamais mort. Dans mes mains le futur et le design cyborg. Tout est parfait, digne, héroïque, pourquoi vivre autrement? Tout est parfait, signe, magie, pourquoi vivre autrement? Jamais tombé, plus le temps d'avoir mal. Si la vie m'a menti, je m'approcherai du diable. Dans mes mains futures et des âmes si bonnes. We'll be right back. White Cowbell, Oklahoma, avec Piece of the Action de l'album Bombardero. C'est une nouvelle entrée en 15e position anglophone. Et avant ça, du côté franco, la 15e était aussi nouvelle numéro avec Tout est parfait, deuxième pièce de leur album Sport de combat. La première était Tonton Klaxon, hein, Kiwan? Ben oui, tout à fait. Espèce de tonton qui arrive super en retard. Ben là, super en retard. Ben, tu m'avais dit 5 heures, tu sais. Ouais, c'est sûr, mais j'ai vraiment un problème avec la ponctualité, là, mais vraiment. Ouais, vraiment, hein? Je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire quand tu t'améliores un petit peu, hein, tu sais, avec le temps, à un moment donné. Ouais, il va falloir que je travaille là-dessus. T'es pas la seule personne qui me reproche ça, tu sais, dans ma vie, mais c'est bon. C'est pas dur, là. Pars 10 minutes avant que, tu sais, le temps que tu serais, l'heure que tu serais parti normalement, puis tu vas arriver 10 minutes à l'avance, tu sais. Hein, pour vrai, est-ce que c'est juste ça qu'il faut faire? C'est juste ça. Ah ben là, Colin. C'est la réponse à la vie, ça. Non, mais moi, j'ai juste vraiment pas conscience du temps qui passe, je pense. Là. T'es un gars qui vit dans le moment présent, c'est en se foutant complètement du futur et des gens qui comptent sur lui pour commencer l'émission. Non, je me fous pas de toi, Mathieu, arrête. Une chance. Donc ça, c'est la voix de Kiwan Rajkovchinski qui co-anime les palmarès avec moi jusqu'à 20h ce soir. Oui, tout à fait. Les vendredis. Donc, on va continuer ça avec les positions numéro 14 à la place de parler. On veut avoir le plus de temps possible à la fin pour passer de la musique que ça nous tente d'entendre, autre que juste les palmarès, tu sais. Oui, fait c'est qu'on vrai. Va faire ça vite, c'est ça que tu veux dire? Non, on va prendre notre temps quand même. On passe, on coupera pas les tunes en deux comme ils font à d'autres stations de radio. On fera pas un super mix? Non, il y aura pas 6 tunes en ligne dans 10 minutes. Non, okay. Il y aura pas ça. On va voir du côté anglophone la 14e Winter Gloves avec I Can't Tell You. Mais juste avant, on va écouter tout de suite la 14e francophone, c'est une nouvelle entrée aussi. C'est un groupe qui avait une autre pièce dans le palmarès jusqu'à là, pas très longtemps. Tout à fait, la pièce Autobanoman Anonyme. Voilà, donc Autobanoman Anonyme est sorti du palmarès, mais en pleine face, fait son entrée du groupe Archigéant. C'est la 14e, mais on l'écoute tout de suite. Dans vos oreilles. À côté de la face, t'as les oreilles. Je pense que ça fait-tu partie de la face? Les oreilles? Ouais. Ouais, c'est dur à dire. Ça dépend des gens, je pense. Ouais. Je sais pas comment t'es défiguré. C'est la physiologie, ouais, c'est ça. Winter Gloves avec la pièce I Can Tell. Je pense que c'est la 3e ou 4e pièce de l'album Factories de Winter Gloves qui est sur les palmarès. Ouais, on a eu entre autres Factories, Let Me Drive. Je pense qu'on a eu Invisible et puis Hillside. Donc, ce serait la 5e finalement. Ah, ben, crème, wow. C'est vraiment un très très bon album. Et puis, cette pièce-là est vraiment super bonne. Je trouve qu'elle fitait totalement avec la 14e francophone qu'on avait entendue juste avant. C'était une nouveauté aussi. C'était Archigéant avec la pièce En pleine face. C'est un groupe que je connais pas tant que ça. On a déjà eu la pièce Autobahn Man Anonyme, mais qui était plutôt rock. Et puis, ça m'avait pas tant donné le goût d'explorer l'album de Archigéant, la première pièce qu'on avait entendue. Mais En pleine face, qu'on vient juste d'entendre, waouh, c'était vraiment super bon. Puis, j'ai quasiment le goût de. En tout cas, moi, je serais tenté de déclarer les 14e position de la semaine. Ok, non, ça c'était vraiment, vraiment pas assez de conviction par exemple. Faut que tu dises un petit peu plus convaincu que ça. C'était quoi? Je pensais que tu ferais ton effet sonore avec les. Je te laissais le faire. Je pensais que position de la semaine! Ouais, les 14e, là, vraiment un super ouais. Bon duo cette semaine de position. Donc, un bon duo de position. Donc, ce sera pour toute la semaine. Votre chiffre dans votre vie, ce sera le 14. Et voilà, votre chiffre chanceux. Faites tout en 14. Si vous devez quitter une pièce, tournez la poignée 14 fois avant. Tournez-vous la langue 14 fois dans la bouche avant de parler. Etc. Ouais. Je vais juste corriger mon erreur. Je me sens épais, mais je pense qu'Invisible n'a pas été dans le premier espace. Ah, ok. Ok, c'est ça bon. Fait-tu? Ça se peut, je sais pas. Je trouve épais de dire des affaires là-même quand je suis pas au courant. Ça. Ouais. En tout cas. Bref. Mais en tout cas, il y a eu au moins 3 pièces là, de Winter Gloves dans les palmarès. Bon, assurément. Vous êtes toujours dans les palmarès C'est fou, ça aussi c'est assuré. Et on est assurément rendu aux positions numéro 13. Du coup, dans le fun, on va entendre Metric qui descend de la 9e avec Sick News. Juste avant, on va entendre Deux Pouilles en cavale avec la pièce Deux Pouilles en cavale, extrait de l'album Deux Pouilles en cavale. C'est la 13e franco. C'est la 2e semaine que c'est sur les palmarès. C'est dans les palmarès C'est fou. Au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Pull your little arrows out. Let me live. Magic et Sick News en position numéro 13 anglophone, ça descend à la 9e place. Pourquoi? Je sais pas, là. C'est malheureux. Ouais, mais bon. C'est vraiment très bon. Puis tu sais, Matrix, ça fait longtemps que je veux aller les voir. Puis là, ils ont aussi un spectacle là, au Québec. C'est pendant le Festival d'été de Québec. Ah. C'est à l'Impérial de Québec, c'est le 16 juillet prochain. Ça peut devenir un vendredi. Non? Non, c'est un jeudi. Ah. Mais écoute, je serais prêt à tout là, pour aller voir un spectacle de Matrix. Là. C'est sûr que je prendrais congé de n'importe quoi. Mais l'affaire, c'est que je crois, je suis pas sûr, je me suis pas tant renseigné encore, mais je pense que ça prend un passeport du festival pour aller voir les spectacles en salle. C'est très fort possible et probable. Mais en tout cas, parce que j'essaie d'acheter un billet pour les spectacles en salle, puis soit ils sont pas encore disponibles, j'en sais trop rien. Peut-être que ça prend un passeport, mais en tout cas. On va se renseigner puis on va essayer de le savoir parce qu'il faudrait que tu y ailles pour là au moins, tu sais, que tu te forces un petit peu pour celui-là. Le gars voulait aller au Manitoba ou en Alberta ou en Saskatchewan voir le show de Metric puis là, il vient au Québec puis je veux pas acheter le passeport. Non, achète-là ton mot du passeport. Là. Hein? Ouais, non, mais t'as-tu la reste de la programmation du Festival d'été de Québec? Mais on s'en fout, c'est pour Metric. Ouais, c'est ça. C'est combien de passeports au pire? Pas grand-chose, une trentaine de piastres? Ouais, je sais pas. Non, je pense que c'est 60 piastres. Oui, ok, quand même. Quand même, hein? T'sais, on n'est pas fortunés, nous. Non, hein? Non, non. Mais c'est pas grave. T'sais, on est dedans pareil. T'sais, on a du cran. On a du comment dire, t'sais? De l'entrain. Mon café est pas encore entré, hein, t'as vu? Je suis pas encore très, très timé dans mes jokes. Bref, vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Key One est devant moi. Moi, je suis à ma place, comme toujours, dans ma chaise, avec des bras beaucoup trop hauts pour moi. Ça me fait mal au dos. Je suis Mathieu Plante, en passant. Hein? Voilà. On est rendu au position numéro 12, hein, Key One? Oui, quelle chochotte. J'ai mal au dos. Du côté anglophone, le numéro 12 est occupé par Booze Babes and Barbecue de Pete Moss. Juste avant ça, on va écouter la 12e francophone. C'est Les Violents Cachalots avec la pièce sur le cover du journal Voir. C'est drôle, ça. J'aime ça, cette tune-là. C'est amusant. C'est parodié. Ouais, c'est drôle. On aime ça, nous autres. On est comme une parodie, nous, d'animateurs radio. Hein? Ouais, c'est ça. C'est pas bon. On n'est pas des gros stars, c'est qu'on roule pas sur l'or. Y'a pas un Christ de choc qui nous reconnaît dans la rue. On chante des tunes mal propres, on est des crottes et sales. Nos tunes se rendent même pas jusqu'à Laval. On remplit aucune salle, pis notre disque qui se vend mal. Nous autres, on souffle les veines de désespoir. Parce qu'on n'est pas plugué, qu'on voudrait bien pogner. Pis avoir notre face sur le cover du journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 3-4 copies pour ma maman. Journal Voir. Les dents blanches et souriant. Sur le cover du journal Voir. Populaire, se taper des tonnes de femmes, signer notre contrat payant chez Audiogramme. Avoir la bière payée, même dans le bus de tournée. Y'a des roadies pour chauffer pis des factés. Des gros chèques la Socan, numéro 1 saison. Pis faire la première partie des Rolling Stones. Lâcher bord de motard pis jouer à place des ors. Passe mettre face sur le cover du journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour ma maman. Journal Voir. En noir et blanc, très élégant. Sur le cover du journal Voir. Très nouvelle folle et jeune groupie avec les ceintures. Fait n'importe quoi pour être dans notre loge. On jouerait live des shows de TV. On serait VIP. L'industrie serait à genoux pour nous manger le kiwi. On se paierait toutes les chums que notre cash peut acheter. Parce que personne pour endurer nos têtes enflées. N'aura pas une crise de scène. On sera pas populaire tant qu'on n'aura pas notre face sur Journal Voir. Journal Voir. Un gros article sur moi en dedans. Journal Voir. 4-5 copies pour ma maman. Journal Voir. Avec un chum rentrant dans le restaurant. Sur le cover du Journal Voir. Sur le cover du journal. Journal Voir. 4-5 copies pour nos mamans. Journal Voir. 4-6. C'est bien évident. Sur le cover du journal Voir. Vous écoutez les palmarès C'est fou, une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Some boys will never grow up, and I guess I'm one of those boys. Cute, hein? C'est comme une chanson à répondre, Kiwan. Chante avec eux. Give peace a chance. OK. C'était pas super concret, là. J'essayais de les suivre, là, mais bon. C'est un peu n'importe quoi comme finale de chanson. Mais bref, c'est la fin de Booze, Babes and Barbecue par Pete Moss et ça monte de 3 places. C'était une nouvelle entrée en 15e position la semaine passée. Et avant ça, on avait entendu les Violents Cachalots qui nous exprimaient leurs espoirs d'être sur le cover du Journal Voir. Ah, on leur souhaite, hein? Ben oui. Ils le méritent, hein? Je sais pas si le Journal Voir a assez de dérision et d'humour pour leur faire un spécial, tu sais, mais je suis pas sûr si les Violents Cachalots ont assez de visibilité et d'intérêt envers eux, mais bon. Pour l'instant, hein? Ouais. Mais tu sais, on s'entend que le Journal Voir peuvent pas mal mettre n'importe quoi sur la couverture parce qu'ils ont un numéro par semaine et puis au Québec, c'est pas comme si on avait des millions de sujets non plus à couvrir, mais il y en a assez pour faire 52 semaines par année, j'espère, pour eux autres. Ben oui, je pense que oui. Ouais, même s'ils ont eu Star Trek récemment. Ouais, mais non, mais c'est quand même un événement, là, Star Trek. Là. Un événement mauricien? Non, mais non. C'est une page qui est pas en québécoise, ou en tout cas... Ouais. Ou une pub aussi, c'est un peu une pub. Ouais. Bon, bref, peu importe. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On dirait que c'est comme... C'est comme tordre un torchon de bonnes pièces musicales. Des fois, des fois, ça sent mauvais, mais des fois, c'est bon. Et boire le jus. Ouais, c'est ça, on boit le jus, nous. C'est un peu ça qu'on boit en ce moment en studio, même si on n'a pas le droit de boire en studio, on boit du jus de palmarès. Ouais. Changons de sujet un petit peu brièvement, là. Pour vous dire que plus tard dans l'émission, il va y avoir la capsule d'humour extrême, vidéo dans la question, et ça, ben, vous allez être chanceux parce que c'est pas moi qui l'a fait, donc ça risque d'être drôle. Hein? On se comprend là-dessus? Oui, plus de chance. Oui, c'est ça. Cette semaine, la question, c'est « Et si les personnages d'un sketch audio se rendaient compte des erreurs de montage? » Et ça, c'est vraiment une très, très bonne idée comme capsule. Puis aussi, c'est ça. Ben, ça, c'est vers les 18h15, les vendredis soirs. Sinon, c'est vers les 16h15, le jeudi. C'est Vidon, là, dont la question, avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. As-tu écouté le gala des éleviers dimanche dernier, Mathieu? J'ai malheureusement raté, mais j'ai appris qu'ils n'ont pas gagné. Mais bon, non, est-ce qu'on s'attendait à autre chose? Non, c'est sûr que c'est vraiment pas les émissions qui étaient les plus connues. T'sais, ils étaient dans les catégories contre... Dans leur catégorie, ils luttaient contre des émissions d'heures de grande écoute à C'est quoi, genre, ouais. Des trucs du genre. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais... Ben, c'est quand même cool qu'il était nominé. Tu sais, il n'y a aucune chance à un moment donné de gagner ces catégories-là qu'on ne sait quoi, qui est la radio la plus écoutée à Montréal, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne affaire qu'ils soient nominés là-dedans parce que ça leur donne quand même de la visibilité. Et puis ça les a menés à Radio-Canada. C'est quand même gros, ça. Ouais. Et c'est drôle parce que j'écoutais le lendemain du Gala des éleviers, j'écoutais sur les ondes d'une station commerciale que je ne nommerai pas. Les animateurs parlaient du Gala des éleviers, puis là, ils disaient avez-vous entendu la catégorie radio, là, toutes les catégories dans le domaine de la radio? C'était n'importe quoi. Il y avait plein d'affaires qu'on connaissait pas. Il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de Vidon, Ladon, la question. Ils sont de même à... Les radios commerciales. J'étais outré, vraiment, là. J'étais, outré. Ouais, mais sérieusement, eux autres, ils parlent de genre d'artistes, tu sais, que nous, on fait jouer depuis toujours, mettons, genre, je sais pas, Chinatown. Puis là, personne n'a jamais entendu parler de ça. C'est n'importe quoi. Ça joue pas nulle part. Non. Ils font tout le temps ça. Comme s'il y avait juste les radios commerciales. Moi, c'est ça qui me dérange là-dedans. Tu sais, je trouve ça poche de leur part. Je veux dire, nous, on n'est pas tout le temps en train de rire d'eux autres, là. Ah non, on les écoute, ces stations-là aussi. Mais eux autres, ils rient des radios de campus et des radios universitaires comme si on était des petits trous du cul. M'excuse l'expression. Mais je trouve que c'est ça pareil. C'est mon opinion. Ouais. C'est pas une raison pour rire de nous autres, je trouve ça poche. C'est un peu comme une revanche de nerd qu'on est en train de faire là, on dirait. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, faut dire ces affaires-là parce que sinon, si personne n'en parle, c'est comme si ça n'existait pas, hein. Comme ils diraient, personne n'en parle, mais ça n'existe pas, Chinatown. C'est ça, il faut en parler, c'est ça l'important. Parle-moi-en. Non, je pense que ça va faire. Okay. Je pense qu'on va écouter un petit peu de Radio-Canada. Les autres, et ce vote a été une véritable catastrophe du point de vue de l'ONU ici ou des organisations de défense des droits de l'homme. Tu vois, ça, c'est du contenu. Tu sais, ils ont ça, eux autres. T'sais? C'était mon éditorial de la semaine. Il n'y avait pas vraiment de contenu là-dedans. Je vais faire un article de 3 lignes, comme je fais toujours sur le site, genre. Ah, j'ai rien à dire. Ouais. Avec ce genre de contenu-là, ben là, ils ont peut-être raison de rire de nous autres un petit peu des fois. On est rendu aux positions numéro 11 de nos palmarès du côté anglophone. C'est Slim Twig avec Young Hussies qui monte de 3 places. Et avant, c'est la 11e franco, c'est Droit devant de Marie-Pierre Arthur. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va l'entendre. Pas vraiment d'autre chose à dire. Non, vraiment rien. Il n'y a absolument rien d'autre à dire, donc on va écouter Marie-Pierre Arthur. Ça, je me disais, ça. Des fois, c'est comme, tu sais. C'était beau, ça. Ouais, c'était beau. Par-delà toutes les parts. Numéro 11. Ça va être la dernière intervention poche qu'on fait ici. Fait que prends-la bien en note. On va entendre nos amis de... C'était quoi ça? C'était Slim Twig. Oui, c'est la Slim Twig avec la pièce Young Hussies. Et puis, j'ai écouté un peu cet album-là de Slim Twig. Oui. Puis, tu sais, cette pièce-là n'est pas super mélodique, hein, pas super construite. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment. C'est pour ça que j'avais décidé d'écouter le reste de l'album. Mais je te dirais que c'est la pièce, celle-là, la plus mélodique de l'album. C'est vraiment noise, le reste. Là. Ben, pas carrément noise, mais tu sais, c'est ce son-là, électro-rock, mais vraiment plus noisy. Donc, ouais, je pense que la pièce Young Hussies est la plus mélodique, la plus écoutable, la meilleure, je pense, de l'album. OK, ben, je vais essayer d'écouter ça. Vous aussi, écoutez Slim Twig, écoutez Metric aussi. C'est les groupes que K1 vous conseille d'écouter en ce moment, je pense. Non, mais Slim Twig, pas tant, là, je vous dirais. Là, non? Non, non, c'est ça. C'est... Je pensais que c'était ça le verdict que ça voulait dire. Non, le verdict, c'était genre, le reste de l'album est très noisy. OK. Si vous aimez le noise, oui, allez-y, écoutez Slim Twig, là, mais pour tout le monde, grand public, là, pas tant que ça. Mais Metric, tu viens de parler de Metric, ça, c'est sûr, là, tu sais. Ouais. Mais tu parlais, tu disais comme, ouais, c'est du noise, nanana, moi j'ai appris ça comme dans. Ben, j'ai hâte de l'entendre vu que c'est du noise. Faut que tu précises que t'aimes pas le noise. Ok, ouais, t'aimes ça, ouais. Ah, ben, je pense aimer ça. Je suis pas sûr, mais je veux pas que ça m'agresse trop, tu sais. Ouais, c'est ça, ça peut devenir un peu agressant des fois l'album de Slim Twig, mais. Bon. Bref, avant Slim Twig, 11e francophone, on a entendu Marie-Pierre Arthur avec une pièce qui s'appelle Droit devant. C'était le numéro 13 angle francophone, voyons, tantôt. Et c'était une nouvelle entrée la semaine dernière, donc ça monte tranquillement, vraiment, vraiment pas vite pour Marie-Pierre Arthur. Son autre pièce avant avait monté au numéro 1 assez facilement. Hein. Ouais, puis Marie-Pierre Arthur, quand même assez occupée, elle va être en spectacle tout l'été. Déjà, elle va être au Festival de la chanson de Tadoussac, qui est un très grand festival pour la musique francophone. C'est bientôt d'ailleurs, hein, c'est deuxième fin de semaine de juin. Et puis, elle va avoir plusieurs spectacles. Puis sinon, le reste de l'été, elle fait le tour du Québec. Là, puis je suis sûr qu'il va y avoir d'autres spectacles à confirmer pour Marie-Pierre Arthur. Bon, mais je suis certain qu'elle perdra pas son temps cet été. Un peu comme tu allais attendre avec Perdre son temps, que voici tout de suite en position numéro 10, francophone, ça monte de deux places. C'est beau, hier. C'est tight! time of so much disdain for those who find joy in the eyes of a child and beauty in light and calmness of mind. So bombs bomb away and kill another man. No thought of the cost, but building the land. So bombs bomb away and kill some mother's son. Make sure to send a note. History has told of no such tale. The gods did war with the demons in the air. So bombs bomb away and kill another man. No part of the cost, but building the land. So bombs bomb away and kill some mother's son. Make sure to send a note. Finstone et Bombs Bomb Away qui montent de la 13e à la 10e position du côté anglophone de nos palmarès. C'est fou. Et avant ça, c'était Chinatown en 10e franco avec la pièce Perdre son temps. Ben tiens, perdre son temps, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, nous, assez fou, hein? On le fait pas mal en général, mais aujourd'hui, on s'était dit qu'on faisait ça quand même assez quickie pour avoir du temps à la fin pour passer des pièces qu'on aime random de même, là, sans qu'il y ait de position, sans qu'il soit été choisi dans le palmarès. Sont en position flottante dans les airs, sont pas assis ni couchés, ils sont juste là, tu sais. Voilà. Je pense qu'on devrait laisser parler la musique. Laisser parler la musique. Comme à Rhythm FM. On va l'entendre des positions numéro 9 du côté anglo, c'est de Doves et Jetstream. Et tout de suite, du côté franco, c'est Anne Perrault et le président danse autrement. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. C'est fou, ça! étoile subtile. Le président danse au chant. Et plus observe à chaque instant. T'as tout sa peau de Yann Perrault avec Le Président danse autrement qui est en 9e position francophone. Ça monte de 2 places. Et qu'on aime donc ça, mais c'est la fin des palmarès, c'est fou, donc on doit arrêter pour un petit moment. Question de respirer un peu. Hein? Mais il va y avoir une deuxième heure tantôt avec la musique de The Doves, Jason Lytle, The Ghost is Dancing. Omnicrom, Royal Arch, on a créé un monstre, plein d'autres. Tout ça plus la capsule de Vido, alors la question dans à peine 15 minutes, c'est au palmarès, c'est fou. Restez donc avec nous pour voir... Look it, look it, look it! Vous écoutez Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Vous êtes de retour au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2009. Il s'appelle Kiwan Rajkovchinski. Et lui, c'est Monsieur Mathieu Plante. Et vous êtes les palmiers, vous êtes toujours heureux d'être avec nous, j'en suis certain et convaincu. S'il y a une chose que je sais, c'est que vous aimez ça, écoutez les Palmarès, c'est fou, tous les vendredis soirs à 17h, on rappelle les jeudis à 15h. Hein? C'était pas pire, ça, comme message de vente? De suggestions, là. C'est toi, non. Tu sais que les gens aiment ça, point. Ben, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, si tu veux te craire dans la vie, faut que tu te le dises. C'est comme si tu dis, je suis fin, je suis beau. Ça prend de la conviction, effectivement. Ça devient vrai. Donc, dans 10 minutes, il va y avoir la chronique du mot extrême, Vidon, alors la question. Mais pour l'instant, on est rendu aux positions numéro quoi, ça? On est rendu à la 9e anglophone. On s'en va entendre The Doves et Jetstream. Tout de suite, au palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. C'est fou.ca. Still lost in time, yeah. The Doves et Jetstream, position numéro 9 anglophone, ça monte de 3 places. Ben oui, The Doves qui sont en tournée un peu partout, sont en sol américain parce que tu sais, The Doves c'est un groupe anglais. Mm-hmm. Et puis là, depuis début du mois de mai, tout le mois de mai, puis même une partie du mois de juin, sont en Amérique du Nord. Et puis ils vont être à Montréal le 2 juin, c'est très bientôt là, pour ceux qui écoutent en direct, c'est mardi prochain. Donc oui, mardi le 2 juin, c'est au National à Montréal. Seulement 2 dates au Canada, c'est Toronto et Montréal. Puis après ça, il reste quelques dates après ça, après Montréal, en Amérique du Nord, puis retourne chez eux en Angleterre. Go back home, going back home to the place I know. For the Doves. For the Doves. For the Doves. Il ne reste qu'une seule pièce avant la chronique du Monde Extrême. Vidons là-dedans la question vers les 18h15 le vendredi chaque semaine et tous les jeudis à 16h15. Mais pour l'instant, on va l'entendre. La prochaine position qui est francophone, voici La Question en 8e avec un très beau jeu de mots et moi. C'est des jeux de mots tellement visuels que personne ne les comprend. De toute façon, il faut juste voir les titres écrits pour pouvoir comprendre les jeux de mots. Sinon, c'est ça. C'est ça. C'est comme nous, des fois, il faut nous voir pour nous trouver drôle. T'sais. Rire de nous autres un peu. Hein. Il est drôle, il a une drôle de face. Il a une drôle de coupe de cheveux. Je t'en ai pas l'air assez fou. Au 89.fm. T'as une belle coupe de cheveux, Kiwan. Ouais, vraiment. Aussi, tu sens bon. Merci, ah, t'es fin. Wow. J'ai claqué la porte qui mène vers toi. Mes vieux souvenirs se sont recyclés en émoi. Il est trop tard quand je te croise ton regard prend Question et la pièce et moi qui est en 8e position francophone, ça monte de 2 places. On va entendre la 8e position anglophone tantôt, c'est Jason Lytle avec Yours Truly the Commuter, mais pour l'instant, Kiwan. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Je sais pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vidons là-dedans la question. Et Si les personnages d'un sketch audio se rendaient compte des erreurs de montage. Salut Paul. Salut. Salut Mike. Salut, ça va? Ben, ben pas tellement. Tu sais, les gars, le sketch dans lequel on est en train de jouer. Quoi? Avez-vous remarqué le montage sonore? Il me semble qu'il y a des affaires qui se passent qui ont pas d'allure. Comme quoi? Je sais pas. Par exemple, moi, je me sens bizarre. On dirait que je respire pas quand que je parle. Comme si on m'avait enlevé toutes mes respirations au montage. Là, je me dis, il me semble qu'il faudrait que je respire. Mais c'est comme si mon corps voulait pas s'oxygéner. J'ai jamais senti ça avant. Comprends-tu ça? Toi, pas avoir à respirer en parlant. Je pourrais continuer comme ça des heures et des heures, puis pas respirer, puis je m'en porterais pas plus mal. Je te le dis, là. Ça beau être impertinent ce que je dis. Je continue de parler. C'est le même ton. Je le sens dans le regard des autres que je les énerve, là, à pas reprendre mon souffle de même. Mais je peux rien y faire, là. Je continue. Y a pas d'air qui passe. Pas d'air, là. Vraiment pas d'air, là. Tu sais, vraiment pas d'air, là. Pas d'air, pantoute. Vraiment pas, là. Pas d'air, pantoute. Pas d'air, pantoute, là. Y'en a pas qui passe, là. Pas d'air, c'est bloqué, là. Je veux dire, ça continue de sortir, là. Comme si j'étais un gros sac plein d'air qu'on presse, là. Puis qu'on continue d'écraser. Puis qu'on écrase. Puis il en reste tout le temps. Puis on pense qu'on va arriver au bout de l'air. Mais non, on continue de peser. Puis là, ça continue de s'effouer. Puis y a de l'air qui sort, ça sort. On continue d'écraser le sac, puis là on pense qu'on est au bout, mais non, il en reste encore un peu, puis on l'écrase, ça sort, ça continue de sortir. Hey, imagine-tu, toi, si tous les rappers de ce monde étaient capables d'avoir du souffle de même, les tunes de rap finiraient plus. Là, on aurait du rap, des chansons de 12 minutes, là, ça viendrait comme un peu d'un mix de rock progressif avec le rap d'aujourd'hui, là. Oh, ok, wow. Oui, fou, tu m'arrêtes. Hey, ça finit pas ton affaire. Mais voyons donc, qu'est-ce que j'ai? Maudit! C'est moi qui... Respire! À ta place! Ben, pour moi, c'est à toi que les monteurs de son ont dompé toutes mes respires. Ouais. Écoute-donc, mec, tu dis pas grand-chose? Non, j'aime mieux pas parler. Qu'est-ce qu'il y a? Pour faire mes répliques, les monteurs de son ont pris des bouts de phrases de différents moments qui ont tous été collés ensemble bout à bout. Ça fait dur, là. Ouais, mais c'est vrai que ça fait dur, hein, mais c'est vrai que moi et Paul, on n'est pas ben mieux. Oh ben, ils ont mis une réverbération dans ma voix. Ouais, je te dis que ça s'améliore pas. Oh, on dirait que t'es pas dans même pièce que nous. Ils m'ont dit, on dirait que ça s'aggrave. Ben là, qu'est-ce qui se passe avec notre sketch? Moi, je commence à trouver ça inquiétant. En tout cas, ça marche. Tu t'inquiètes? Puis la trame sonore qu'on entend est inquiétante. C'est bon, ça, continue sur ta lancée. Ouais, ok, j'ai peur. Je sais pas quoi faire. Oh non, ça marche déjà plus. La chanson est devenue romantique. Ben voyons, on n'est pas en train de tomber en amour. Ouais, mais avec la musique, c'est mélangeant, hein? Hé, hey, les gars, ça fait bientôt 3 minutes que le sketch est commencé. Puis vous le savez, les monteurs de son arrêtent de travailler. Après 3 minutes, qu'est-ce qui va nous arriver? Ils peuvent pas arrêter le sketch comme ça. On a même pas de punchline rigolote pour terminer en beauté. Ça faisait penser à un épisode de Family Guy, genre les Griffins, tu sais, quand il y a une joke, puis à un moment donné, elle arrête plus, tu sais. Et là, puis elle continue encore, hein, jusqu'à temps qu'elle redevienne drôle. Puis elle redevient plus drôle, puis ça redevient drôle. C'est de même, ça marche. Bref, c'était une capsule, une toute nouvelle capsule de Vidon dans la question. Cette semaine, on se demandait si les personnages de sketch audio se rendaient compte des erreurs de montage. Allez voir le vidonladon.com, ça on le sait, pour toutes les capsules. Et c'est fait par Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault, les monteurs de Vidon dans la question. Et ça me fait penser que j'ai déjà eu ce commentaire-là par rapport à CNX. Les gens disaient que je respirais pas bien souvent. Ah ouais, pour vrai? C'est vrai. Est-ce que c'était monté, non? Non, c'est juste live. Live, okay. Je respire pas dans CNX. Ah oui? Ouais, c'est ça. C'est un spécial que tu fais pour CNX. C'est juste pour CNX. Ouais. J'essaierai ça dans les palmarès un jour. Vidon la longue question, c'est toutes les semaines dans les palmarès C'est fou, les vendredis soirs à 18h15, les jeudis après-midi à 16h15 dans la rediffusion. On est rendu à la position numéro 8 anglophone. Oui, c'est Jason Lytle avec la pièce Yours Truly, The Commuter. C'est ça? Il y avait un genre de... T'étais pas sûr. Il manquait une syllabe, je pense. Non, c'est Yours Truly, The Commuter. Vous êtes dans les premières assez fous. Faut que je respire, moi, contrairement à toi. Ah, la musique commence à être romantique, ça veut dire qu'on est en amour. Oh. Pareil comme dans le sketch. They said myself, 'cause I don't want to see anybody else. I may be limping, but I'm coming Jason Lytle, qu'on vient d'entendre en huitième position anglophone avec la pièce Yours Truly, The Commuter. Tout à fait. Maintenant, passons à une autre page de notre histoire pour voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Commençons par le top 30 des CD. T'sais. Oui, cette semaine, dans le top 30 des CD, il n'y a aucune nouvelle entrée. Donc, on va aller tout de suite au top 3, les trois premières positions du top 30 CD. En troisième, c'est The Decemberist avec l'album The Hazards of Love. La deuxième position, c'est Surfire Machine avec Surfire Machine. Et la première position, c'était en deuxième la semaine dernière, c'est My Son the Bomb avec l'album Are We There Yet? Dans le palmarès électronique, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles entrées. 4 en 8e, LTJ Bookham avec Fabric Life 46. En 6e, In Barb Cal avec Song of Songs. En 5e, Magic Wands avec Magic Love and Dreams EP. Et en 4e, Moderat avec Moderat. Top 3 maintenant, on descend d'une place pour la 3e, Diary of Dreams avec If, entre parenthèses. En 2e, ça monte de 2, IMX avec Kingdom of Welcome Addiction. Et en première place, ça monte de 2, The Crystal Method avec Divided by Night. Du côté du top 10 Loud, il y a trois nouvelles entrées. En 10e, là, c'est Uncooperative Dead avec l'album Uncooperative Dead. La 9e position, c'est Never Die avec l'album Phase 2 Révolution. Ou Phase 2 Revolution. C'est selon. La 8e position est aussi une nouvelle entrée, c'est Graves of Valor avec Celerion Gate. Le top 3 du top 10 Loud, eh bien, ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. La troisième, c'est Black Label Society avec Skullage. La deuxième position, c'est Heaven and Hell avec l'album The Devil You Know. Et la première position, c'est un retour, hein, parce qu'à une certaine époque, Mastodon avait glissé en deuxième, mais là, depuis deux semaines, c'est revenu à la première position du top 10 Loud, le groupe Mastodon avec l'album Crack the Sky. Et on boucle la boucle de cette chronique ailleurs dans les palmarès pour voir le top 3 des disques canadiens. C'est tout ce qui nous reste. L'ancien numéro 1 est maintenant en 3e, Mastercraft avec Fist of God. En 2e, c'est Stable Metric avec Fantasies. Et finalement, le numéro 1 monte de 3 places, Surefire Machine avec Surefire Machine. Donc voilà pour les palmarès alternatifs, disons. Oh, c'est bien dû, ça. Les palmarès parallèles. T'sais. Les alternamarès, qu'on pourrait dire. Ou pas. Ou pas, mettons. Et on est rendu aux positions numéro 7 du côté anglophone, c'est The Brains avec Turnaround qui monte de 3 places. Et avant ça, on va écouter Omnichrome avec la pièce Comme à la télévision. Et puis Omnichrome vont être cette année de la fête nationale à Québec, le gros spectacle sur les plaines d'Abraham à Québec. Ils vont être du spectacle, mais partie alternative, genre à 1h du matin. Là, ils seront pas avec France d'amour là, à 6h30. Donc, j'ai mon chapeau et mon fouet, Indiana Jones, j'avais pas. C'est face aux héros si ça te plaît, mais tu devras m'arracher le cœur. Patrouilleur de l'espace, mon odyssée n'est pas un méchiré. Dans toutes les galaxies pour déchiffrer le monolithe. À cheval sur le thème de ma voix, pose-moi. Il était une fois la vie, glow plus blanc, prépare-toi. Au Congo ou sur la lune, j'ai mes deux spires à mes côtés. Tous nos dérisés musicaux, aucune sirène ne peut m'arrêter. Vieux psychopathe, suce mes traces dans la neige. Oui, elle s'arrête, quelle accrochage. Je m'évapore dans mes rêves, cauchemars. Mes potes veulent m'assassiner, mais je continue. C'était juste un air dans un chandail rayé. Les hommes vont tous dans le même sens. Quand tu pars des singes, c'est juste que ma tombe ne sert pas à qu'est-ce que tu penses. Bébite en dessous de la taille comme un truc. Kramer, j'attaque le ciel converse. Juste la télévision, fais caca, attention, je suis un Goonies. Désolé, c'est la revanche des nerds. Rencontrons la télé comme Wayne's World. UHF style. On sera des Ferraris comme c'est pas si grave. On a eu congé. J'pars en vacances avec Bernie. Milliers de politiques, du sang sur les mêmes visages à moitié peints. On fait pas ça pour rien. Pour la famille dont j'suis le parrain. Me suis toujours rendu l'OCP, peut rien empêcher. Couteau d'indom, mitraillette, j'vais vous prêt à dégainer. Vous écoutez Les Palmarès, une présentation de Trois-Rivières Nissan et de Énergie Nissan de Shawinigan. Rapide et efficace, hein? The Brains avec Turnaround en position numéro 7, anglophone, ça monte de 3 places. Avant ça, ben, on a entendu un micro, mais ça commence à faire un petit bout de ça, hein? Ben, pas tant que ça, mais ouais, c'est ça. Non, mais en termes de, t'sais, en termes de radio, là, pif-paf dans les dents, la musique ici, hein? Boum, bang, bim, bidoum. Boum, bada, bim, bada, boum, bam, bam, pimpin et pompon sur le pimpon, pimpon, pompier. Donc, on serait rendu, étant donné qu'on a entendu la 7e anglo, on serait rendu à la 6e francophone. Est-ce que c'est bien cela? C'est très logique, ça, Monkey One. Et la 6e place francophone, c'est Buisson Ardent de Royal Arch. Et puis, Royal Arch sont vraiment très, très rapides sur la mise à jour de leur site MySpace. C'est rare, ça. Puis, ils sont vraiment très, très à l'écoute de ce qui se passe avec leur musique partout à travers le monde. Parce que, tu sais, Royal Arch, c'est un groupe de France. Ah, ben et, oui. Mais ils jouent quand même beaucoup au Québec ici. Pas seulement à Cifou, ils jouent aussi à CISM. Ils sont sur les palmarès francophones de CISM à Montréal. Et puis, ils tiennent vraiment à jour leur MySpace à Royal Arch parce qu'ils sont déjà inscrits sur leur MySpace qui sont cette semaine Soit la semaine du 22 au 28 mai. Sur le palmarès de C'est fou, c'est écrit déjà à la position où est-ce qu'ils sont, la 7e. Wow. Ils ont fait une erreur, par exemple, c'est la 7e. Ils ont marqué 7e francophone, ils sont à la 6e. Oh, mais là, c'était la semaine passée, ils étaient en 7e. On se calme, là. Ouais, c'est ça. Ils sont pas à minute près non plus. Là. Les palmarès sont même pas imprimés encore. Regarde, je les ai même pas dans mes mains. Là. Moi, c'est ça au grand hasard, les positions. Non, mais ah oui, c'est ça, c'est jusqu'au 28 mai. C'était hier, le 28 mai. Donc, non, mais ils sont quand même très à jour. Bon! Le verdict est rendu. Royal Arch, vous êtes royalement à jour. Ouais. Ouais. C'est douteux, hein. Mais bref, Royal Arch sera suivi du côté anglophone par la formation de Ghost is Dancing avec Battlezone. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Ben oui. On est à la coche, nous autres aussi. T'sais, on est à jour dans la musique qui joue à C'est fou. Un jour près. Avec la pièce Buisson Ardent, c'est la 6e position francophone, c'est ce qu'on vient juste d'entendre. Et maintenant, on serait rendu, je pense, à aller écouter la 6e anglophone qui serait The Ghost is Dancing avec la pièce Battle Zone. Numéro 6. C'était beau, hein? On l'a eu. Ah, vous êtes dans les palmarès, c'est fou! 89 FM. C'est n'importe quoi. We'll be right back. pas en ongle, ben tu m'en reparleras, tu sais. En grand détail, mais pas à la radio. On vient d'entendre The Ghost is Dancing avec Battles On, position numéro 6, anglophone, ça monte d'une place. Eh oui. Oui, c'est à peu près ça. Ben, c'est pas mal ça, c'est exactement ça. En fait, je dirais que c'est plus que ça, c'est ça et un sac de chips. Les palmarès assez fous, c'est ça et un sac de chips. Ouais? Ouais, ouais. Parce que c'est tellement bon, t'sais, tu veux rien d'autre, mais dans le fond, tu dis « Ah, je prendrais bien un sac de chips aussi. » Bref, on est rendu au position numéro 5 du côté anglophone. L'ancien numéro 1 tombe de 4 places, Mastercraft avec It Ain't Love. Oh, ça descend vite quand même comme numéro 1, donc ça veut dire qu'on aura un nouveau numéro 1 du côté anglophone cette semaine. Et du côté francophone, on écoute tout de suite la 5e position, c'est le groupe Ariel avec la pièce « La danse des pas ». Et le sac de chips, ben, ce sera notre sexitude. C'est comme un sac de chips, c'est savoureux! Ce n'est pas mal assez fou. Au 89 FM. Dans ta face! You don't know L'ancienne position numéro 1 anglophone qu'on vient d'entendre, le groupe Mastercraft avec la pièce It Ain't Love. Ouh, que c'est pas de l'amour, ça, c'est juste du physique. Ouais, c'est boum boum, tchika boum. Tchika boum, dans le boum boum. Avant ça, c'était nos amis de Ariel avec la danse des pans. Ça monte d'une place pour venir s'insérer en cinquième place. On rappelle que, bon, on vient de dire que le numéro 1 la semaine passée est descendu, Mastercraft, mais du côté francophone, on n'a pas encore entendu le numéro 1, n'est-ce pas? Non, on l'a pas encore entendu, donc. Donc, c'est à venir plus tard. Est-ce que c'est encore le numéro 1? C'est le mystère. Ben, on sait pas. Peut-être aussi qu'il est sorti directement. Il est peut-être passé de la première à la 16e. Donc, on l'a pas entendu pantoute. C'est on déjà arrivé. Ça pourrait arriver. Ça arrive une fois de temps en temps. Et on rappelle au... Pardon? Ça arrive quand on perd les C2. Genre. C'est ça, genre. Oh, ça, c'est... Ouais. Pas très winner, ça. Faut rappeler aux gens que, tu sais, on a des top 15, mais il y a des positions en dessous de 15 qui ne sont pas écrites nulle part, mais qui existent. Des fois, elles pataugent dans le bas du top 20, 25, 30. Là. Elles sont là, elles essaient de remonter. Peut-être un jour, on pourra entendre ces positions-là à un moment donné. On sait pas. On ne sait pas du tout. Mais pour l'instant, c'est ça. Le numéro 1 de la semaine passée, c'était Dan Young et le Cartel. Est-ce que ça tient? On sait pas. On va voir tantôt. Mais pour l'instant, on va l'entendre. Les positions numéro 4, la quatrième anglophone est stable. C'est Bad for Lashes avec Daniel. Mais avant ça, c'est On a créé un monstre avec la pièce nue sur la piste. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou au 89.1. FM. C'est fou, ça! Et Mathieu. Les palmarès, c'est fou, et vous écoutez. Les palmarès, c'est fou. Avec Mathieu et Kiwan. Formation Bad for Lashes qui joue avec Daniel qui est stable en position numéro 4 anglophone. Et avant ça, on avait entendu la quatrième franco, ça montait de une. C'était nous sur la piste du groupe Sorellois. On a créé un monstre. Oh, Sorellois. Je sais pas si c'est ça le vrai nom. Espérons-le. Là, j'espère. ben nous, on se quitte pour quelques minutes. On est dû pour se quitter. Mais on se retrouve avec une troisième heure des Palmarès C'est Fou remplie de bonne musique. On va apprendre si le numéro 1 francophone est toujours par Dan Young et le Cartel. On va aussi entendre la musique de Standing Walls, de Surefire Machine, Mice on the Bomb et de Decemberist. Et Kiwan va être là aussi. Oui, je bouge pas. Non. Freeze, man. Freeze it. Comme un popsicle dans ta bouche. Bon, le blanc en train de sucer son micro, lâche ça, Kiwan. Les Palmarès C'est Fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Vous êtes toujours dans les Palmarès C'est Fou pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle Kiwan. Et vous êtes les palmiers, comme toujours. Mes petits palmiers, on vous appelle pas assez souvent par vos petits noms. Vous autres, les petits palmiers, vous êtes tellement cute. Non? Trop pas cute, toi, hein? Ben là, oui, mais on les connaît pas tant personnellement, mais sont cute. En faisant comme si on les connaissait de près, ben ça les rend déjà plus attachés envers nous, je pense. Hein? En faisant ça? Mais je sais que t'as envie, tandis qu'on parle de proximité et de palmiers, je sais que t'as envie de plugger la page Facebook des Palmarès. Hey, c'est vrai, ça. Vous pouvez être amis avec nous sur Facebook en tapant les Palmarès, c'est fou. C'est très facile de nous trouver, de nous ajouter et de faire comme si vous nous aimez. C'est pas très crédible, mais c'est comme si, tu sais. Ça va être pareil comme notre relation à toi et moi. Genre, c'est du paraître. Et voilà. Seulement. Alors, on est rendu aux positions numéro, numéro 3 déjà. Déjà le numéro 3. Du côté anglophone, c'est The Decemberists avec Won't Want for Love. Et du côté francophone, c'était en deuxième la semaine dernière, donc ça descend tranquillement. Là, deux semaines, c'était la position numéro 1. C'est une descente douce et tranquille pour Mimi Van Der Glow avec la pièce Québec-Canada. Et ça se passe maintenant dans les Palmarès, c'est fou! 89.1 FM. Mon papa était un bon flic. Et on écoutait Elvis dans le huitrac du Caprice. Et sur la transcanadienne, mon père criait pour la peine. C'est fini le Québec, c'est fini le Canada. L'Amérique a les poches pleines à force d'envahir le monde. We'll s'écrase, s'écrase, s'écrase sur le sofa. Et de créer sa caisse, le sac de chips qui baisse. Faudra t'acheter un barbecue, un set de patio, un lave-vaisselle pour ta femme. Qu'elle fasse encore un peu semblant, qu'elle fasse encore un peu semblant d'être heureuse. C'est fini le Québec, c'est fini le Canada. L'Amérique en est pas pleine, à force d'envahir le monde. Oh, Québec, oh, Canada. They're gonna look you in and tell us it costs, it costs, it costs you so far. We'll be right back. assume, tu sais. Assume-toi. Key One, assume-toi, je te dis. Je sais pas pourquoi, tu sais, sur quoi tu pourrais t'assumer, mais assume-toi dans quelque chose. J'assume tout. J'assume tout. J'assume le The Decemberist en troisième position, surtout avec Won't Want for Love. Moi, je dirais que du côté francophone, j'assume Mimi Van Der Glo avec Québec Canada qui descend d'une place. Ça, ce sont nos troisième positions. Une autre position qui est particulièrement bonne, c'est assis dans sa chaise devant son ordinateur en train de taper www.unechance.com et aller lire les articles que Key One écrit sur le blog. Hein? Ouais, certainement pas ceux de Mathieu parce qu'on est comme absent, je dirais. Non existant. Il y en a un sur la moutarde. Ouais, ouais, il était bon. C'est ça. Il était bon, il était délicieux. Dis-nous donc de quoi tu parles dans l'article le plus récent sur le site en ce moment, Kiwan. Ouais, ben je suis allé voir cette semaine le lancement trifluvien, en tout cas le spectacle de Dom Lebeau. On en a parlé un peu la semaine passée, entre autres au poste d'écoute. T'as écouté l'album de Dom Lebeau, le batteur des Cowboys Fringants. L'ancien batteur des Cowboys Fringants, j'en ai parlé aussi à mon émission La Dernière Porte à Gauche. On en avait parlé dans les palmarès. En fait, on en a parlé beaucoup. Finalement. Dans toutes les émissions de C'est Fou, finalement. C'est ça, puis, à peu près. Je blague. Et puis c'est ça, ben Dom Lebeau était à Trois-Rivières cette semaine pour lancer son album, faire un petit spectacle avec entre autres Serge-André Amine du groupe Major qui est en première partie. Ben c'était sympathique comme spectacle. J'avais déjà énoncé pas mal ce que je pensais de l'album de Dom Lebeau la semaine dernière. Bon, si vous voulez en avoir plus de détails, ben il y a l'article sur le unechance.com. Puis je vais en reparler aussi un petit peu plus dans l'émission tantôt la dernière porte à gauche. Je vais faire passer d'ailleurs une autre pièce de Dom Lebeau là, parce que bon. Moi j'ai pas tant trippé ça. Je me sens comme mal, on dirait, parce qu'on dirait que tout le monde aime l'album de Dom Lebeau, l'album Grand Naïf. J'ai lu quelques critiques ailleurs, puis t'sais, ça a l'air d'être presque unanime, là, les gens aiment ça. Moi j'ai pas vraiment aimé, mais j'ai pas détesté non plus. Là. Ça me laisse un peu. Ça me laisse un peu différent. Je trouve ça poche comme expression, ouais. Me laisser indifférent, mais bon, tu sais, c'est pas un album que j'ai particulièrement aimé, mais j'ai quand même des choses à en dire. Puis je vais en faire jouer une pièce tantôt dans l'émission. Bon, donc soyez là à la dernière porte à gauche qui est vendredi soir à 20h. On rappelle les mercredis à 17h. Pour ceux qui écoutent la rediffusion du jeudi, ben c'est passé. Voilà, vous irez télécharger la balado diffusion au unechance.com. Absolument, tout est là sur unechance.com, les balados et les articles, les liens de nos émissions et les pièces qui ont joué, tout est là, www.unechance.com. On est rendu aux positions numéro 2 du côté anglophone, c'est Surefire Machine avec Paparazzi qui est stable. Et du côté francophone, c'est l'ancienne position numéro 1, donc ça voudra dire qu'on aura un nouveau numéro 1 cette semaine. Donc la semaine dernière, la numéro 1, c'était Dan Young et le Cartel avec la pièce Comptée jusqu'à 3. On l'écoute tout de suite en position numéro 2. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. FM. Oh, c'est tellement excitant que ça te vient dans la bouche. Oh, attends une minute, là. Wow! Wow! Elle est la saveur de la soirée. Autant d'elle est qu'un enfant. the pitch for life, glory and a fame. But I don't really give a fuck your problems and your pain. Thought it was a good idea to push me to the edge. Now that I see you're the one that's hanging from that list. Up and took me out each and every night. I chew you up and spit you out just to prove I'm right. And I am not a slave to those ways, all those crazy days. When I look back, my life was smoky haze. A country boy, I'm looking for some fun. My whiskey river has run dry. I'm on the run from coast to coast, from town to town. Baby, that's my way. If you stick with me, the crazy shit will happen every day. Des fois dans la vie, tu sais, tu te dis, ben là, c'est ça qui est ça. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, tu sais, la toi, hein? Tout à fait, oui. Numéro 2 anglophone, c'était Surefire Machine avec Paparazzi qui est stable. Et avant ça, c'était l'ancienne position numéro 1. En deuxième position, Dan Young et le cartel avec la pièce comptée jusqu'à 3. C'était la deuxième qui était première la semaine passée. C'est-tu clair? Il me semble ce que je viens de dire. Ça sonnait bizarre, mais bon. Pas vraiment. Mettons que ça monte de deux places par rapport à la semaine passée, puis c'est le numéro 1 maintenant. Fait que faites votre propre mathématique. Non, attends, excuse-moi. Là, tu viens vraiment. C'était le numéro 1, puis là. Ben là, je voulais t'aider, mais ça marche pas, hein, finalement. Ben bref, il reste les positions numéro 1, on les a pas entendues encore. Non, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. T'as raison, je pense là-dessus. Ça, on peut pas se tromper, là. Il reste vraiment juste les positions numéro 1 des palmarès qui ont pas joué encore. Et on est rendu là. Et voilà. Et puis, il nous reste environ 40 minutes à l'émission Les palmarès, c'est fou. Donc, on va avoir beaucoup de temps pour passer beaucoup, de la musique. Ben oui. Mais on aime ça, tu sais. On aime ça, passer de la musique qui nous intéresse, mais qui n'est pas nécessairement dans les palmarès. Mm-hmm. Donc, on va entendre le numéro 1 tout de suite, drette là. Du côté anglophone, on va entendre une pièce qui a eu. Elle a pris du temps à monter sur la liste, mais une fois qu'elle est montée dessus, elle a monté au sommet de cette dite liste. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est un jeu de mots qu'il va falloir déchiffrer par vous-même. Hein? Ouais, hein, okay. Mon fils? Oui, t'as tout comme, à fait. Tout comme à fait. Si t'étais mon fils, là, c'est ça, la joke. Continue. Ok, oui, du côté francophone, disons que, tu sais, je me lèverai pas debout pour le dire, là, mais je les adore, ces gens-là. Je me lèverai pas debout. Je ne danserai pas une vache. Ah, là, le jeu de mots commence à rentrer. Hein, vous les comprendrez tantôt. Les morts. Les numéros 1 sont présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Palmarès, c'est fou de cette semaine. Avant de dire quels étaient nos numéros 1, faisons un petit récapitulatif du côté anglophone. C'était en troisième position de Decemberists avec Won't Want for Love. En deuxième, on a eu Surefire Machine avec Paparazzi. Et le numéro 1, on vient d'entendre, de l'entendre, oui, c'était My Son the Bomb avec Get on the List. Du côté francophone, la troisième position, c'était Mimi Van Der Glue avec la pièce Québec-Canada. La deuxième, c'était Dan Young et le Cartel avec Comptez jusqu'à 3. Et on a entendu, juste avant My Son the Bomb, la première francophone, c'était Standing Walls avec Cité Phosphore. Et voilà votre top 3 de chaque côté dans les palmarès, c'est fou. Il nous reste une bonne demi-heure de bonne musique à entendre. On va pouvoir se faufiler quelques pièces plutôt géniales de la part de The Doves et My Son the Bomb, aussi Elephant Stone. Ces trois-là, ça va être sur la clôture, je pense. Je pense qu'on va y mettre les trois même. Ça pile, je sais que c'est peut-être beaucoup, là. C'est peut-être beaucoup de pièces, je pense, finalement. En tout cas, bref, une dernière demi-heure de bonne musique tantôt dans les palmarès, c'est fou. On verra bien ce qu'on va faire, hein, gars. Hein? On verra tantôt quand on sera rendu. Ah, je vais pas essayer de contrôler le futur, moi là. Offusqué, genre, c'est ma face de gars offusqué, t'as-tu vu? Ta face de gérant de Burger King, genre, je sais pas. Ouais, c'est ça, je vais fermer à la place bientôt, moi. La clé dans la porte comme le Burger King de Trois-Rivières. Burger King est fermé. Ouais, ouais, c'est triste, hein, pour toi. Hein, c'est tout, Ah, j'aurais-tu mangé ça ce soir, tu penses, moi? Eh, con! Allez, à tantôt. Les palmarès C'est fou sont une présentation de Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Vous êtes toujours dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Son nom est Kiwan Rykopczynski. Et lui, c'est Mathieu Plante et il met des fonds décontractés quand les palmarès sont finis. Il sort ses petits fonds fancy là, qu'on n'a pas entendu pendant les palmarès. Genre les guimauves aussi. Ouais. Parce qu'on est chillax dans la dernière demi-heure des palmarès, c'est ce qu'on fait, ça. On aime ça. Bref, tout ça pour dire qu'on a fini palmarès top 15 francophone, top 15 anglophone, c'est fini ça. On n'en parle plus du tout. Donc on est rendu dans la période post-palmarès. Oh, j'aime l'appellation. Mais je dirais même dans un bloc sur la clôture, comme tu l'as toi-même baptisé, puisqu'on va aller écouter des pièces de groupes qui étaient dans le palmarès, mais des pièces qui n'étaient pas dans les palmarès. C'est clair, c'est des artistes de nos palmarès, mais des pièces qui ne le sont pas. Est-ce que là, c'est clair pour tout le monde, je pense, j'espère? De toute façon, on s'en fout un peu. Ce qu'on veut, c'est entendre les pièces. Ah voilà, donc on va commencer avec un groupe qui est en position présentement numéro 10 avec Bombs Bomb Away. On les appelle Elephant Stone, mais la pièce qu'on va entendre s'appelle The Seven Seas. Allons écouter ça, s'il te plaît, Mathieu. Test it. On écoute des affaires, on aime ça! Darling, Moi, je suis très content d'avoir écouté ce bloc-là de pièces d'artistes qui sont dans nos palmarès présentement, mais des pièces autres que celles qui sont dans nos palmarès. On vient d'entendre My Son the Bomb avec Seven Summers de l'album Are We There Yet? J'ai vraiment aimé ça. Oui, My Son the Bomb qui était numéro 1 cette semaine dans les palmarès anglophones avec la pièce Get on the List. Avant My Son the Bomb, on a entendu The Doves avec la pièce titre de leur album Kingdom of Rust. C'était bon ça aussi. Oui, The Doves eux, ont une pièce qui s'appelle Jetstream dans les palmarès. Et on a commencé avec Elephant Stone avec la pièce titre de leur album The Seven Seas. En gros, trois très bonnes affaires. Oui, oui, oui. En gros, on a continué d'explorer un petit peu plus les artistes du palmarès. C'est comme des miniers, des mineurs, des gens dans des mines qui cherchent des trésors cachés. C'est nous, ça. Oui, tout à fait. Les palmarès, c'est nous, qu'on pourrait dire. Ah, ah wow. Oh, hein. Le prochain bloc a quelque chose de spécial parce que c'est un bloc à thème, comme on aime les faire ici. Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, on voulait parler d'un groupe qui va être bientôt ici à Trois-Rivières, dans quelques jours. Vendredi, là. Le 5 juin. Vendredi, le 5 juin. C'est ça. Trois gars sous sofa vont être ici à Trois-Rivières avec leur tournée de la crise économique. Donc, c'est des spectacles économiques qu'ils font dans des petites salles. Donc, ça va être au Zénob, vendredi, le 5 juin, ici à Trois-Rivières. Donc, on voulait parler un peu de ça. Puis, en même temps, on se fait un petit bloc autour du chiffre 3. Pour Trois gars sous sofa, on va entendre la pièce vraiment qui s'appelle tout simplement 3. Trois gars sur le sofa et ça va être suivi d'une pièce de bivouac qui s'appelle 3 ans. C'est original comme thème, hein? Super thématique, là, c'est super tight. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un nom d'émission qui comporte 3 mots quand on y pense. Pensez-y un peu, tiens. Trois. À côté de lui, un et deux, on a des yeux, mais surtout un, parce qu'il n'est pas trois. Ce chiffre gagnant, la preuve, écoute les Olympiques, tu vas te rendre compte que ses podiums sont tout le temps trois. C'était le meilleur chiffre de toute l'école, il avait son truc pour toute l'école. Quand la démarche fonctionnait pas, que le monde te méprisait tout bas, t'entendais à travers le tas. Tu connais pas ta règle de trois. Pourquoi tu penses que plus de trois roues fassent les quatre roues et t'es jaloux? Quand tu vas chez McDo, prends-tu un quatuor ou un trio? Quand les génies sortent de leur lampe, ils t'offrent trois vœux, pas dix, pas trente. Ah ouais, viens t'en faire du trois ski. Je le sais que ça te tente. Trois. L'amour c'est bien plus le fun à trois. Mais par exemple, deux filles, un gars, parce que sinon, ben moi je m'en vais. À trois, rivière, ou trois, pistole, ou trois, rivière du loup. Trois accords, une bonne chanson. Sans t'en passe, assise derrière lui en classe. Les trois ans. Bivouac et 3 ans de leur album Le Synopsis de notre histoire. C'est dans notre bloc à thème sur le chiffre 3. Avant Bivouac, on a entendu la formation 3 gars sur le sofa avec la pièce 3. Tout simplement, de leur album des Cobras et Tarantules. Trois gars sur sofa qui vont être en spectacle le prochain vendredi, là, celui qui s'en vient. Si on le nomme par son petit nom, celui du 5 juin au Zénob ici à Trois-Rivières. Il va falloir faire vite pour arriver là parce que c'est très très petit le Zénob et ça a tendance à se remplir assez facilement cette place-là. Donc Zénob 5 juin, trois gars sur sofa. On va continuer dans le même thème presque. Non pas le chiffre 3, mais 3 fois 166 666,667, ça égale 500 000 000. Voici Antoine Graton et 500 000 000 dans les palmarès. C'est fou au 89.fm. Antoine Graton et 500 000 de l'album Le Problème avec Antoine, c'est notre bloc à thème sur le chiffre 3. Hein, 3 fois 160 666, ça donne 500 000. Puis les autres pièces avaient rapport avec le chiffre 3. Notre prochaine pièce, tu t'aimes ça, tu trouves ça drôle? Ouais, j'ai hâte de voir comment tu vas faire fitter 3 avec la prochaine artiste. Ben, j'allais juste, prendre le fait que le 3 est un chiffre qui est situé proche du 5. Ben non, non, mais j'allais juste dire qu'on allait comme élargir le thème du chiffre 3 pour aller comme dans les chiffres en général. Ouais, c'est ça, on est comme un petit peu mal pris là avec le chiffre 3, fait que, t'sais. Mais on va être original dans la pièce qu'on va faire jouer parce que si vous écoutez C'est fou fréquemment ou une fois de temps en temps, vous entendez des fois la pièce Comment ça va Mark Hamilton de Johnny 5 qui est un classique de nos palmarès, mais on entend rarement le remix qui est le Mountain Radio Remix. Et c'est ce qui joue maintenant dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Comment faire ma quinzaine? Comment faire ma quinzaine? Comment faire ma quinzaine? Comment faire ma quinzaine? Ça va, Marc Hamilton, est-ce que t'as pas encore les années? Tu as marre de ton succès qui t'a porté que des regrets. Si tu recommencerais, dis-moi. Si tu recommencerais, dis-moi. Le showbusiness t'a repoussé dans le jeu, tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber et ça t'a pratiquement tué. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Les plages sont-elles refermées, dis-moi. Presque impossible d'y entrer, à moins de vouloir se prostituer pour peut-être vivre de ce métier. Alors comment vouloir entrer, dis-moi? Pourquoi vouloir continuer, dis-moi? Bien sûr, à force de lutter, tu finiras par y arriver. Quand tout sera cicatrisé, tu n'auras plus à exorciser les démons qui t'ont toujours hanté, c'est ça. C'est correct d'admettre qu'on manque d'idées pour le thème des chiffres, là. Y a rien de mal à ça, je pense. Bon, on manque surtout de préparation. Arrête-moi ça, dis pas ça. On vient d'entendre Johnny 5 avec Comment ça va, Marc Hamilton Mountain Radio Remix. C'est un remix de Comment ça va, Marc Hamilton. Ça le dit dans le titre un peu, tu sais. Hein? Hein? Non? Ouais, quand même assez fidèle comme pièce, on la reconnaissait, disons. Très bonne pièce, d'ailleurs, que je me tente jamais d'entendre. Pas eu beaucoup d'autres succès de Johnny 5 ou Johnny 5, mais celle-là est très bonne, on l'entend souvent, comme tu dis, ouais. C'est la fin des Palmarès, c'est fou pour cette semaine. Kiwan suit avec la dernière porte à gauche le vendredi. Qu'est-ce qui se passe, Kiwan, ce soir? Ce soir, il va y avoir en musique, entre autres, un petit succès, souvenir de Navet Confit. Il va y avoir aussi une pièce de Dom Lebeau, là, l'album dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission aussi. Il va y avoir aussi du Égrégor, du Archigéant. Un petit succès souvenir, j'oserais dire, cette expression du groupe Bleu. Tu te souviens-tu du groupe Bleu? Oui, vaguement. Ouais, c'était bon, on va entendre une pièce. Bon. Ben, c'est merveilleux, ça. C'était la dernière porte à gauche ce soir à 20h les vendredis. On est toujours en direct, nous, les vendredis soirs de 17h à 20h, si vous avez bien compris. Et puis, on t'en rappelle les jeudis de 15h à 18h. Le jeudi, ce qui nous suit, c'est La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. Toujours très sympathique et très bon comme émission, ça. Oui. Très bon. Moi, je vous retrouve à CNX, l'émission la plus geek de la radio, et dans un poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Kiwan, dernière porte à gauche. Ceux qui n'écoutent pas le vendredi, c'est le mercredi à 17h. Donc, pour vous, ben, c'est ça qui est ça. Passez une excellente fin de semaine, sinon semaine, et on se retrouve bientôt. On se quitte avec une pièce qui vient de la compilation Québec émergent. Ça a rapport avec notre thème un petit peu, hein, par la bande. Ouais, si on veut, là, ouais. Tu sais. Pas vraiment. On aurait pu dire que c'est la pièce numéro quelque chose, puis ça aurait un rapport par la bande aussi. Si on veut vraiment trouver des liens, il y a moyen. T'sais. Bah non, c'est un quintet. Ça s'appelle le quintet Marianne Trudel. La pièce s'appelle 1720 Saint-Grégoire. Donc c'est un chiffre pareil. Il y en a plein, il y en a plein de chiffres là-dedans. Wow. Ça a rapport. Cherchez les liens vous-même. Bye Kiwan. Bye Mathieu, bonne semaine. Bye les palmiers. Les palmarès CIFO ont été présentés par Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan.